1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité, qu'entre les gentils il n'est point fait mention de semblable, c'est que quelqu'un d'entre vous entretient la femme de son père. Et cependant vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action, fût retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà ordonné comme si j'étais présent, touchant celui qui a ainsi commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai, dis-je, ordonné, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre vanité est mal fondée, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi faisons la fête, non point avec le vieux levain, ni avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre, que vous ne vous mêliez point avec les fornicateurs, mais non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les avares, ou les ravisseurs, ou les idolâtres, car autrement, certes, il vous faudrait sortir du monde. Or maintenant, je vous écris que vous ne vous mêliez point avec eux, c'est-à-dire, que si quelqu'un qui se nomme frère, est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car aussi qu'ai-je affaire de juger de ceux qui sont de dehors? Ne jugez-vous pas de ceux qui sont de dedans, mais Dieu juge ceux qui sont de dehors. Ôtez donc d'entre vous-même le méchant.